La belle de Calix a les yeux de velours. La belle de Calix vous invite à l'amour. Les cavaliers sont là, si dans la fosse, on apprend qu'elle dame. Et pour ces jolis vieux noirs, les hidalgo le soir viennent taper la chasse. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de l'amant. Aïe aïe aïe, tchika tchika tchik, aïe aïe aïe, tchika tchika tchik, aïe aïe aïe, ne veut pas de l'amant. La belle de Cadix a les yeux langoureux, la belle de Cadix a beaucoup d'amoureux. Juanito de Cristobal, tu es bien son rival, tu as l'autre la lune. Et Pedro le matador, tu l'aimais plus encore, donne-lui sa fortune. Malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de la main. Aïe aïe aïe, tchika tchika tchik, aïe aïe aïe, tchika tchika tchik, aïe aïe aïe, ne veut pas de l'amant. La belle de Cadix est partie un beau jour. La belle de Cadix est partie sans retour. Elle a dansé une vie dans le monde, une bruit, toutes les séguinillas. Et par un beau clair matin, elle a pris le chemin qui mène à Saint-Ordinia. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. La belle de Cadix est entrée au couvent. Tchika tchika tchik, aïe aïe aïe, tchika tchika tchik, aïe aïe aïe, tchika tchika tchik, aïe aïe aïe.